Chapitre 10. De l'endroit où ils s'étaient arrêtés en plein bois, ils apercevaient de petites colonnes de fumée bleuâtre qui montaient droit à travers les branches nues des grands arbres. « Nous voici arrivés, » dit Adeline. « Je vais voir où en sont les bûcherons, et tout de suite nous rentrerons à Elbeuf, de façon à ce que je puisse aller ce soir même chez M. Heck. » Sous bois, on entendait des coups de hache et de temps en temps des éclats de branches avec un bruit sourd sur la terre qui tremblait, celui d'un grand arbre abattu. « Il fallait faire de l'argent, » dit-il en arrivant dans la vente où les bûcherons travaillaient. « Malheureusement, les bois se vendent si mal maintenant. » Il eut vite fait d'inspecter le travail des ouvriers et ils revinrent rapidement au château où tout de suite les chevaux furent attelés. Il n'était pas 3 heures. Il pouvait être à Elbeuf avant la nuit. Pendant tout le chemin, Adeline reprit le bilan qu'il avait fait le matin en venant. Seulement, il le reprit dans un sens contraire. En allant au Tuy, tout était compromis. En rentrant à Elbeuf, rien n'était désespéré, loin de là. Et il entassait preuve sur preuve pour démontrer qu'avec du temps, il trouverait la dot qu'on offrirait au père Heck. Elle ne sera peut-être pas ce qu'il croit, mais enfin elle sera suffisante pour qu'il ne puisse pas se retirer. Tu verras, ma chérie, tu verras. Et il énumérait ce qu'elle verrait. Ce n'était pas seulement la situation de la maison d'Elbeuf qui devait s'améliorer. À Paris, on lui avait proposé d'entrer dans de grandes affaires où ses connaissances commerciales pouvaient rendre des services, et il avait toujours refusé, parce qu'il voulait se tenir à l'écart de tout ce qui touchait à la spéculation. Il accepterait ses propositions. Le temps des scrupules était passé. Ses affaires étaient honorables, c'était par excès de délicatesse, c'était aussi par amour du repos et de l'indépendance qu'il n'avait point voulu s'y associer. Il ne penserait plus à lui, il ne penserait qu'à elle. Le premier devoir du père de famille, c'est d'assurer le bonheur de ses enfants, et il n'est pas de devoir plus sacré que celui-là. À plusieurs reprises aussi, on avait mis son nom en avant pour des combinaisons ministérielles, et toujours par amour du repos et de l'indépendance, il s'en était retiré. Maintenant, il se laisserait faire. Fille de ministre, c'était un titre à mettre dans la corbeille de mariage. Berthe écoutait, suspendue aux yeux de son père, son cœur serré se dilatait, l'espérance, la foi en l'avenir lui revenait. Il ne pouvait pas se tromper, ce qu'il disait, il le ferait, ce qu'il promettait se réaliserait, elle renaissait. Était-elle une femme d'argent? Était-elle désintéressée? Elle n'en savait rien, n'ayant jamais eu à examiner ces questions. Mais le coup qu'il avait frappé le matin l'avait anéanti, et ça avait même été pour ne pas trahir le trouble de ses pensées qu'elle avait tenu à avoir à sa table ses deux filleules. S'occupant d'eux, elle pouvait ne point penser à elle. Lorsque Madame Adeline les vit revenir, elle fut surprise de ce retour si prompt, ne les attendant que pour dîner. Déjà ? Cela ne pouvait qu'augmenter son impatience de savoir ce qui s'était dit entre le père et la fille. Mais malgré l'envie qu'elle en avait, il lui était impossible d'interroger son mari, la maman étant là, dans son fauteuil. « Comme tu es mouillé, » dit-elle en le regardant, « il faut changer de chaussures, je vais monter avec toi. » Aussitôt qu'ils furent dans la chambre, elle ferma la porte. « Eh bien, elle l'aime. »« Elle te l'a dit ?»« Elle a fait mieux que de me le dire. Elle me l'a avoué dans un cri de douleur en voyant qu'elle pouvait ne pas devenir sa femme. »« Est-ce possible ? » s'écria-t-elle avec stupeur. « Il faut t'habituer à ne plus voir en elle une enfant. C'est une jeune fille. » Il rapporta tout ce qui s'était dit entre Berthe et lui. « Et maintenant ?» demanda Madame Adeline, bouleversée. Il expliqua son plan. « Et après, quand nous aurons gagné du temps, le mariage sera-t-il assuré ?»« Il sera facilité. »« Je t'en prie, Constant, réfléchis avant d'abandonner la vie qui a été la tienne jusqu'à ce jour. Tu n'es pas l'homme des affaires de spéculation. Tu as trop de droiture, trop de loyauté. Crois-tu que je m'aventurerai et ne prendrai pas toutes les garanties ? Et toi ? Crois-tu donc que les coquins ne sont pas plus forts que les honnêtes gens? Serais-tu le premier qui, malgré son intelligence et sa prudence, se laisserait tromper et entraîner? Faut-il donc ne rien faire? Sois bien certaine que je n'accepterai que des affaires sûres. Ce ne sont pas les affaires sûres qui donnent les gros gains. Enfin, je te promets de ne rien entreprendre sans te consulter. J'ai laissé passer des centaines d'occasions qui nous auraient donné une fortune considérable. Je veux profiter de celles qui se présenteront maintenant. Voilà tout. Le temps est passé des belles occasions. Tu le sais mieux que moi. Je vais chez le père Heck, dit-il pour couper court à ses observations. Cela n'engage à rien de prendre du temps. Adeline trouva Berthe dans le vestibule. Elle lui serra la main dans une étreinte où elle avait mis toutes ses espérances et aussi l'émotion attendrie de sa reconnaissance. La fabrique des Heckedebs n'est pas dans le vieil Elbeuf, mais dans le nouveau, celui qui confine à Caudebec, là où de vastes espaces permettaient, après la guerre, la libre construction d'un établissement industriel tel qu'on le comprend aujourd'hui, isolé, d'accès commode, avec des dégagements, un sol stable, reposant sur une couche d'eau facile à atteindre et assez abondante pour le lavage des laines et le dégraissage ainsi que le foulage des draps en pièces. Construite en briques rouges et blanches, elle occupe entièrement un îlot de terrain compris entre quatre rues, se coupant à angle droit. Sur trois de ces rues se dressent ces hautes murailles percées de larges châssis vitrés, et sur la quatrième s'ouvre, entre les bureaux et les magasins surmontés de l'appartement particulier de M. Heck, la grande porte qui laisse voir une cour carrée, au fond de laquelle le balancier de la machine lève et abaisse ses deux bras. Quand Adeline arriva à la porte, il faisait nuit noire depuis longtemps déjà, mais par les fenêtres tombaient des nappes de lumière qui éclairaient la rue au loin. Les métiers battaient, les broches tournaient, de la cour montait le ronflement des machines en marche, et dans le ruisseau coulait une petite rivière d'eau laiteuse qui fumait. Quand Adeline ouvrit la porte du bureau, il aperçut le père Heck travaillant, avec ses deux fils et un de ses neveux autour de lui, penchés sur leur pupitre. « Quelle force vraiment que l'association !» dit-il en serrant la main au père Heck et en saluant les jeunes gens affectueusement. « Les autres sont en la fabrique, » dit le père Heck, « à leur poste. » Devant les jeunes gens, Adeline voulut donner un prétexte à sa visite. « Je viens voir vos métiers fixes. Ma femme m'a dit que vous en étiez satisfait. »« Très satisfait. Je fais appeler Michel pour qu'il foule les montres. C'est son affaire. » Il pressa le bouton d'une sonnerie électrique et Michel ne tarda pas à arriver. En apercevant Adeline, il s'arrêta un court instant avec un mouvement de surprise et d'hésitation. « C'est Monsieur Adeline qui vient voir nos métiers fixes, » dit le père Heck. Tout en suivant Adeline et son oncle, Michel se demandait si c'était vraiment le désir de voir les métiers fixes qui était la cause de cette visite. Ce serait bien étrange après la demande adressée la veille à Madame Adeline. Mais si anxieux qu'il fût, il ne pouvait qu'attendre. Aussi, les explications qu'il donna à Adeline sur les perfectionnements qu'il avait apportés à ses métiers manquèrent-elles de clarté. Son esprit était ailleurs. Heureusement, son oncle lui vint en aide. « Vous foyez, mon cher monsieur Adeline, avec 200 proches, ces métiers produisent presque autant que les renfideurs avec 400 proches. » Il est vrai que si Michel était distrait en parlant, Adeline ne l'était pas moins en écoutant. L'un ne savait pas bien ce qu'il disait, l'autre ne pensait guère à ce qu'il entendait. « Il est vraiment très bien, » se disait Adeline en examinant Michel. « Je ne l'avais jamais vu si beau garçon. » « Il n'a pas du tout l'air mal disposé pour moi, » se disait Michel en regardant le père de Berthe à la dérobée. Et les broches tournaient toujours, avec leur ronflement, tandis que le père Heck appuyait sur les perfectionnements de son petit Michel. Enfin, on quitta les métiers fixes et les renvideurs, Adeline et le père Heck marchant côte à côte, tandis que Michel restait en arrière pour se dérober. Il était évident qu'on ne parlerait pas devant lui. Le mieux était donc qu'il leur laissât la liberté du tête-à-tête. Comme ils traversaient un atelier, le père Heck prit une bande de drap divisée en petits carrés de diverses couleurs. « Que dites-vous de ça ? » demanda-t-il. « Ça, c'était une bande d'échantillons que les fabricants de nouveautés essayent pour chercher le modèle qu'ils adopteront. « Je dis qu'avec ça, vous allez me tuer. » Le père Heck donna un coup de coude à Adeline et se haussant vers lui en mettant une main devant sa bouche pour n'être point entendu des ouvriers auprès desquels il passait. « Vous tuez ? Nous ? « Oh non, au contraire !» Ils sortirent dans la cour. « Vous savez à me parler, n'est-ce pas ?» demanda le père Heck. « Oui. » « Les métiers, c'était d'un prétexte. Je fais vous conduire dans mon bureau. » Si Adeline était hésitant pour prendre une résolution, il ne l'était jamais pour l'exécuter. « Ma femme m'a fait part de votre demande, » dit-il aussitôt qu'ils furent installés dans le bureau particulier du père Heck, « et nous en sommes fort honorés. »« C'est moi !» C'est nous qui serions honorés de nous allier à votre famille. Madame Adeline, as-tu fou dire que c'est le but de mon ambition? J'aurais voulu vous apporter une réponse catégorique et conforme à nos sentiments, ceux de ma femme et les miens qui sont favorables à ce mariage. Ah, mon cher monsieur Adeline, malheureusement nous sommes, à cause de ma mère, obligés à de grands ménagements. Vous savez quelle est la sévérité de ces principes religieux. Je sais, par ma mère, ce que peut être cette sévérité, et je vous avoue que je ne lui ai pas même parlé de ce mariage, qui pour nous n'est pas moins difficile que pour vous, car c'est la première fois que l'un de nous pense à épouser une chrétienne. Il a fallu l'amour de Michel pour me décider moi-même. Vous savez, le préjugé, la tradition, la fierté. Vous comprenez donc que nous hésitions avant d'en parler à ma mère. Il faut des précautions, des préparations, sans quoi nous nous heurterions à un refus formel. Je comprends. Il est bon aussi que les jeunes gens se connaissent mieux. Ma fille n'a que 18 ans, et j'ai toujours désiré ne pas la marier trop jeune. Chez nous, vous savez, on se marie jeune. Ma mère s'est mariée à 15 ans. Enfin, je vous demande du temps. Oh, Barvenement, nos jeunes gens peuvent attendre. Moi, j'ai bien été fiancée avec ma femme pendant 5 ans, et quand nous nous sommes mariés, j'aurais bien attendu encore. Il dit cela avec son bon rire. À ce moment, on entendit une main tourner le bouton de la porte du bureau. « N'entrez pas ! N'entrez pas ! » s'écria M. Heck. « N'entrez pas, hein ?» Cependant, la porte s'ouvrit devant une petite vieille vêtue de noir, avec un châle sur les épaules, le front caché par un bandeau de velours posé en avant de son bonnet d'Alsacienne. Son visage, tout ridé, avait un air d'austérité et d'autorité, corrigé par une expression affable. C'était Madame Heck. « J'ai cru que c'était un gommis !» s'écria le père Heck en se levant vivement pour aller au-devant d'elle, avec toutes les marques du regret et du respect. « C'est bien, dit-elle, il n'y a pas de faute. » Et tout de suite, s'adressant à Adeline, « J'ai appris que vous étiez dans la maison, et je suis descendue pour vous exprimer toute ma reconnaissance au sujet des paroles que vous avez prononcées sur la tombe de mon gendre. J'aurais voulu le faire depuis longtemps déjà, mais vous savez que je ne sors pas. Pardonnez-moi de vous avoir dérangée. Je vous laisse à vos affaires. » Et elle sortit, marchant avec raideur, redressant sa petite taille courbée. « Ah, monsieur Ateline, monsieur Ateline !» s'écria le père Heck quand la porte fut refermée. « Ma mère vient de faire pour vous ce que je ne lui ai jamais vu faire pour personne. Ça va bien, ça va bien !»